Bonsoir. Aujourd'hui, 1519, le serment de Magellan. Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère aux hautaines, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Le poème de José María de Heredia en dit long sur la fascination que n'en finissent pas d'exercer les grands explorateurs. Le 20 septembre 1519, la flotte de Magellan quittait l'Espagne, la Trinidad, le San Antonio, la Concepción, le Santiago et la Victoria. Cinq caracs de moins de 30 mètres de long, qui s'apprêtent à affronter les flots rugissants du Cap Horn. Il en fallait du courage à Magellan et à ses hommes pour explorer des routes maritimes jamais empruntées avant eux. Ils connaîtront tout, maladies, tempêtes, batailles, mutineries, et ne seront que 35 quelques années plus tard à rentrer à Séville. Mais ce qui va nous intéresser ce soir, c'est le début de l'histoire. Comment le rêve héroïque de Magellan est devenu réalité. Autant en emporte l'histoire, avec Stéphanie Duncan. Bonsoir Michel Chandaigne. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes éditeur et auteur, un spécialiste du Portugal, un amoureux même de sa littérature et de son histoire, on peut le dire. Et vous avez en particulier dirigé un livre sur le voyage de Magellan, un livre qui aujourd'hui fait référence. Alors quand en 1969, un homme a marché pour la première fois sur la Lune, on a comparé l'exploit de Neil Armstrong à celui de Christophe Colomb ou de Magellan. Alors vous, vous dites que l'exploit de ces grands navigateurs est incomparable. Oui, parce que l'exploration de la Lune, c'est un exploit technique, mais on pouvait prévoir seconde par seconde ce qui allait arriver, même le lieu d'alunissage, ce que chacun allait faire. Il y a quand même une part de risque. Tout à fait, mais tout était mesuré, on savait, tout était paramétré. Tandis que les voyages de Christophe Colomb et de Magellan partaient vers l'inconnu, et très souvent vers la mort d'ailleurs. On ne savait pas où on allait. Et ça, ça change tout. Et c'est un autre monde. C'est un monde où la mort était partout présente. C'était un monde où les limites de la Terre étaient encore inconnues. Et Magellan appartient à cette période, et c'est lui peut-être un des derniers qui va pousser les limites le plus loin possible. Alors l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes commence en 1519, quand la flotte de Magellan est sur le point de quitter Séville. Pour prendre la mesure de la folie justement de ce rêve, de cette intuition, peut-on dire, pourriez-vous nous dire, Michel Chandaigne, ce qu'on sait justement en ce tout début du XVIe siècle, avant le départ de Magellan, qu'est-ce qu'on sait du monde et qu'est-ce qu'on ne sait pas aussi? Bon, on sait beaucoup de choses. On sait que la Terre est ronde depuis toujours. Depuis l'Antiquité. L'Église n'a jamais prétendu qu'elle était plate. On a découvert donc le Nouveau Monde à partir de 1492. Et la découverte de l'Amérique. Oui, Balboa en 1515 a vu le Pacifique. Donc on sait qu'il y a un océan au-delà du Nouveau Monde. Mais on ne sait pas s'il y a un passage au sud de l'Amérique du Sud. D'autre part, on est dans le monde d'après le traité de Tordesillas de 1494. Le monde est divisé en deux, verticalement, comme une orange, avec une ligne qui passe au milieu de l'Atlantique, qui met le Brésil dans le territoire portugais, et tous les territoires à l'est de cette ligne, sur 180 degrés, le définit comme domaine portugais. Tout ce qui est à l'ouest de cette ligne est domaine espagnol. Alors tout va bien au début, mais les Portugais, à partir de 1502, vont en Inde, puis en Extrême-Orient, et atteignent les Moluques en 1512, hein, les îles aux épices. Où elles sont exactement ces îles? C'est au fin fond, au bout de l'Indonésie, du côté de la Nouvelle-Guinée. Il y a les cinq petites Moluques où pousse la noix muscade et le girofle, et nulle part ailleurs. Et donc les Portugais y sont dès 1512. Le problème, c'est de savoir, est-ce que ces îles sont dans le domaine portugais ou espagnol? Et ça, le but du voyage de Magellan, son projet, c'est d'aller aux Moluques, où il va rejoindre un de ses amis portugais, qu'il y est, et en pensant que ces îles sont dans le domaine espagnol. Donc pour lui, la seule manière d'accomplir ce voyage extraordinaire, c'est de travailler pour le roi d'Espagne, pour voyager dans la partie espagnole du monde. Il faut rappeler que le but du voyage de Magellan, c'est d'aller aux Moluques par l'ouest, par la voie espagnole, mais de revenir par la même voie. Oui. Jamais il n'a eu le projet de faire le tour du monde, et dans les instructions royales, on lui interdit même de pénétrer dans la moitié portugaise du monde. Donc, le projet de Magellan, c'est de découvrir un passage. Ça, il va le faire. Le passage aller donc au sud de l'Amérique. Oui, aller aux Moluques. Il va pas y arriver, mais ses bateaux vont y arriver. Et de revenir par la même voie, ça, aucun des deux bateaux ne va arriver à le faire. Alors, Michel Chandaigne, je propose que nous nous retrouvions dans une trentaine de minutes. Tout de suite, le serment de Magellan, écrit par Sarah Farkas, spécialement pour Autant en emporte l'histoire. La réalisation est signée Baptiste Guiton. Ça y est, demain enfin, je lève l'ancre. J'ai du mal à y croire. C'est le rêve d'une vie. La mer m'a manqué toutes ces années. Elle m'appelle, je l'entends. Allons, restons calmes. Toute l'Espagne a les yeux braqués sur moi. 250 matelots sous mes ordres. Je vais avoir besoin de tout mon sang-froid. Pourtant, j'ai l'impression qu'emmener 5 nefs au bout du monde me fait moins peur que de soutenir le regard de Béatrice. Demain, il faudra lui dire adieu. J'ai survécu à des guerres et à des naufrages, c'est vrai. Mais cette fois, c'est différent. Un Portugais à la tête d'une flotte espagnole. On n'a jamais vu ça. Je me méfie de mes propres capitaines. Reverrai-je un jour Séville et ma chère Béatrice ? 20 septembre 1519. Magellan a 39 ans et s'apprête à quitter la rade de Séville pour accomplir son rêve. Rejoindre les îles des Épices par la route de l'Ouest. Ce qui signifie naviguer jusqu'aux Philippines en passant par l'Amérique plutôt que par les Indes. Mais par où passer ? Comment contourner le rempart du continent américain ? Personne encore n'a réussi cet exploit et pourtant Magellan affirme qu'il existe un détroit et qu'il sait où il se situe. La découverte de cette nouvelle voie maritime lui permettrait de devenir le premier homme à réaliser un tour du monde. Mais des menaces planent sur son grand projet. Les marins espagnols n'apprécient pas tous d'obéir aux ordres d'un immigré portugais. Et le roi Manuel de Portugal a juré sa perte. Séville, 19 septembre 1519. Dieu Tout-Puissant, je pars demain. Je pars demain et je ne sais quand je reverrai le continent. J'ignore si je reviendrai mort ou vivant, riche ou pauvre, couvert d'honneur ou trahi par mon équipage. Par ce testament, je me résigne à ta volonté insondable. Si c'est en Espagne que ma vie présente doit prendre fin et que ma vie éternelle doit commencer, je souhaite être enterré ici, à Séville, dans le cloître de Santa Maria de la Victoria. Je souhaite léguer un réal d'argent à la Sainte Croisade et à un autre pour la délivrance des chrétiens, prisonniers des païens. Pour la délivrance des chrétiens prisonniers des païens. Danao, rejoins-nous. Duarte a apporté des pâtes de fruits. Ma chère Béatrice, à mon retour, je te couvrirai de cannelle, de muscade et de vanille. Et ton fils ? Rodrigue, je lui ramènerai des draps de soie pour que ses nuits soient les plus douces de Séville. Je sors, sinon c'est dingue que tu vas nous couvrir tous les deux, comme tu fais avec ce sinistre parchemin. Tout avait commencé 2 ans plus tôt, à Lisbonne. Magellan avait présenté son grand projet au roi Manuel de Portugal, qu'il avait congédié avec mépris et indifférence. Mais c'était sans compter avec la ferveur et l'obstination du navigateur, prêt à tout pour monter son expédition. Pour cela, il lui fallait un complice. C'est lors d'une bagarre dans une taverne de Lisbonne qu'il devait le rencontrer. L'homme a pour nom Rui Faleiro. Il est cartographe et astronome. Bruyant et impulsif, il n'a jamais mis les pieds sur un bateau, mais il connaît par cœur les cartes et les étoiles. Alors, Faleiro, mes calculs confirment tout ce que tu m'as dit. Le passage conduisant de l'océan Atlantique à l'océan Indien, il existe. Je vais te montrer sur le Portulan. Regarde, là, tu as l'Amérique du Sud, au 42e degré de latitude sud, au niveau des terrasses de Veracruz. C'est là que se situe le passage. Et personne ne l'a encore franchi. Ce passage, c'est moi qui le franchirai en premier. Et c'est toi qui seras mon guide, Faleiro. Tavernier, du vin pour mon ami. Cher point les suppôts de Satan, moi. Alors vos instruments de torture, vos petits complotages, vous prenez tout ça puis vous allez ailleurs. Enfin, ce ne sont que des boussoles et des compas. Mais quelle mouche te pique? Comment peux-tu t'adresser ainsi à Fernao de Magallanes, le plus grand navigateur que la Terre ait porté? Le capitaine n'a jamais causé de problème chez moi. C'est à vous que je parle, Faléo. J'en ai assez, moi, de vos bagarres et puis de vos beuveries. Et ces cartes et tous ces objets bizarres que vous apportez ici. Alors allez faire votre magie noire ailleurs, ou je m'en vais vous dénoncer à l'Inquisition. Mais quelle magie noire? Tu n'es qu'un idiot. Sers-nous du vin, ou c'est ton sang qui va couler. Faléo, range cette épée. Ces lieux sont aussi ingrats que la couronne portugaise. Quittons-les. Bon vent! Tu sais, il faut que nous demandions une nouvelle audience au roi. C'est notre seule chance. Mais Manuel me déteste. Son orgueil l'aveugle. Il ne financera jamais notre expédition, alors qu'elle pourrait le rendre plus riche que tous les souverains d'Europe réunis. Alors, c'est à un autre roi que nous irons demander audience. Il faut quitter Lisbonne. Comme le Tage étincelle sous l'éclat de la lune. Faléro, mon ami, prêtons-nous serment cette nuit et que cette lune nous soit témoin. Je m'engage à ne révéler notre secret à personne. Avant l'heure de sa réalisation, ce plan doit rester connu de nous seuls. Je m'engage à garder ce secret comme ma vie. Engageons-nous aussi à accomplir cet exploit, sans l'aide du Portugal. Car il n'appartient pas à un pays, mais à l'humanité tout entière. Le roi Carlos est jeune, mais c'est notre seul espoir. Je pars demain pour l'Espagne. Les calculs de Faléro concernant l'emplacement du détroit sont en fait complètement faux. Mais Magellan ne s'en rendra compte que 3 ans plus tard, pendant la traversée. Ce que le cartographe portugais a pris pour un passage entre 2 océans n'est en fait qu'un fleuve, le Rio de la Plata, l'estuaire qui aujourd'hui marque la frontière entre l'Uruguay et l'Argentine. C'est donc sur une monumentale erreur que Magellan engage toute son âme et toute son énergie. Mais c'est aussi grâce à cette erreur qu'il va découvrir l'existence d'un véritable détroit situé beaucoup plus au sud. Magellan arrive à Séville le 20 octobre 1517. Si au Portugal, Magellan est un grand capitaine, un vétéran qui a combattu aux Indes, en Extrême-Orient et au Maroc, en Espagne en revanche, il ne connaît personne et personne ne le connaît. Belle Séville, pour toi je renonce à mon nom et à mon honneur. Je trahis ma patrie. Je suis en terre inconnue ici, et pourtant je me sens bien sur tes grandes places bruyantes, près des eaux vertes de ton fleuve, au milieu des charpentiers, des fabricants de cordages et des fondeurs de canons. Guadalquivir, me porteras-tu jusqu'aux îles des épices? J'ai soif, allons au port. Entre marins, nous parlons la même langue. Magellan ne croit pas si bien dire. Il fait vite la connaissance des Barbossa, des aventuriers portugais installés à Séville depuis longtemps. Par solidarité, ils offrent à leurs compatriotes le gîte et le couvert. Navigateur confirmé, Diego Barbossa occupe le poste important d'alcade de l'arsenal. Son fils, Duarte, a écrit un livre de voyage très prisé à l'époque. Ces 3 amoureux des mers se lient rapidement d'amitié. Mais Magellan n'a bientôt Dieu que pour Béatrice, la fille de Diego. Gracias por el desayuno. Gracias por el desayuno. Et comment dit-on, j'ai besoin de 5 grands navires pour partir au bout du monde. Necesito 5 grandes naves. 5 navires? Vous partez pour les Indes? Non, pas cette fois. En Chine alors? S'il vous plaît, Fernao, je n'en soufflerai mot, je vous le promets. C'est un secret que j'ai juré de garder comme ma vie. Mais vous pouvez quand même me donner des indices. Est-ce un projet ambitieux? Le plus ambitieux que vous ayez jamais vu. Pensez-vous qu'il y aura une place pour moi dans cet extraordinaire projet? Sur le navire, je veux dire. Avez-vous tellement envie de vous faire découper en morceaux par des pirates sanguinaires? Tout, plutôt que de rester à la maison à cuisiner des confitures. J'aurais dû naître homme pour explorer le monde. Mais j'en suis réduite à lire les exploits de mon frère, et bientôt les vôtres. Vous auriez fait un fantastique matelot. Je n'en doute pas une seconde. Mais non! Un capitaine. Béatrice, pourrais-je vous voir demain? Oh non, sous le... Ils vous attendent à la maison indienne. Je vous ai obtenu une audience vendredi prochain. Formidable! Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? Laisse Fernando, il doit se préparer. Diego, je vous serai éternellement reconnaissant pour tout ce que vous faites pour moi. Vous plaisantez? C'est un honneur d'avoir le grand Magellan sous mon toit. Vous faites partie de la famille maintenant. Je vais faire dire à la bonne d'aller chercher du vin. Et nous boirons ensemble à votre succès. La maison indienne, ou Casa de Contratación, est à l'époque le passage obligé pour tout navigateur souhaitant partir en expédition sous le pavillon espagnol. Pour Magellan, c'est une étape décisive, car un accueil favorable de la maison indienne lui permettrait d'aller présenter son projet au roi. La veille de l'audience, Magellan ne parvient pas à trouver le sommeil. Béatrice. Vous ne dormez pas ? Je suis désolé. Je n'ai aucun droit de frapper à votre porte. Ne vous en faites pas, je ne dormais pas. Je relis le livre de Duarte pour la troisième fois. Je vais finir par connaître son voyage mieux que lui. Voulez-vous que nous descendions ? Je suis seulement venu chercher votre bénédiction. J'ai l'impression que vous me portez chance. Je prie tous les soirs avant de me coucher pour que votre rêve se réalise, même si vous refusez de me le confier. Allez, dites-le-moi, je n'en parlerai à personne. Je vous le promets. Je vous le dis à une condition. Laquelle ? Épousez-moi. Je vous aime, Béatrice. Je vous estime et je vous aime. Si c'est le prix du plus grand secret du monde, d'accord. Marions-nous dès demain. Je vous demande quand même d'y réfléchir jusqu'à demain avant de me donner votre réponse. Vous connaissez les aventuriers comme moi, ils sont... Se marier avec un marin, c'est comme épouser un courant d'air. Mais avec vous, rien ne me semble impossible. Fernao, j'ai décidé de vous épouser le jour où vous avez passé notre porte. Si vous saviez ce que ces paroles me font, si demain la maison indienne m'accorde son soutien, je serai l'homme le plus heureux que la terre ait jamais porté. Le lendemain, c'est le cœur léger que Magellan se rend à l'Alcazar, siège de la Casa de Contratación. Lui, qui avait franchi la frontière espagnole en émigré inconnu et traître à sa patrie, est désormais amoureux et défendu par l'une des plus puissantes familles de Séville. Mais cela ne suffit pas. La Casa de Contratación refuse de soutenir Magellan. C'est donc le dos courbé et la tête basse que le navigateur sort de l'Alcazar et s'en va errer le long du Guadalquivir. Tout ça pour rien. Toutes ces recherches, tous ces calculs, toutes ces recommandations. Comment ai-je pu croire une seconde que la couronne espagnole financerait une expédition de cette envergure, menée par un Portugais de surcroît ? Comment pourrais-je revoir Diego Barbosa ? Je n'oserais jamais repasser le seuil de sa maison. Et Béatrice, je ne suis pas digne d'elle. Je ne serai pas le premier homme à faire le tour du monde. Et pourtant, je sais qu'il y a un passage. J'en suis sûr. Fernando ! Fernando ! Ouais ? Je suis Juan de Aranda, directeur commercial à la Casa de Contratación. Nous nous sommes vus il y a une heure à peine. Je me souviens bien, oui. C'est vous qui m'avez dit que mon projet était fou, incohérent et irréalisable. Pardonnez-moi, je m'exprimais en tant qu'expert de la commission. Et je maintiens que votre projet est complètement fou. Mais permettez-moi de m'y intéresser à titre privé. Que voulez-vous dire ? Voilà. J'aimerais vous aider à financer l'expédition. Pour vous parler en toute franchise, je m'intéresse surtout aux gains que nous pourrions tirer de votre voyage. Si vous parvenez réellement aux îles des Épices par la route de l'Ouest, je pense que nous pourrions devenir presque aussi riches que la couronne espagnole. Et j'y parviendrai. Mais vous connaissez les risques. Bien sûr, c'est mon métier. Je peux vous obtenir une audience auprès du roi. Pour vous et votre cartographe. Topela, Aranda, vous faites désormais partie de l'aventure. À l'expédition qui fera notre fortune. Au premier tour du monde. Mon cher Faleiro, viens à Séville au plus vite. J'ai obtenu le soutien de Juan de Aranda, un commissaire du roi. Je crois que son aide nous sera infiniment précieuse. Il est prêt à financer notre trajet. Et figure-toi, il a trouvé une esclave de Sumatra. Quand elle gazouille dans sa langue natale, on croit entendre un colibri, m'a-t-il dit. Si avec ça, le roi ne nous donne pas son accord, l'Espagne nous ouvre les bras, comme tu l'avais prévu. Nous partons pour Valladolid, le 22 février. Je t'attendrai à Séville, chez les Barbosa. Fernand. 22 février 1518, 6 heures du matin. Magellan et Juan de Aranda s'apprêtent à partir pour Valladolid. Mais Faleiro manque à l'appel. La présence du cartographe est cruciale. Et si Faleiro n'arrive pas, l'audience auprès du roi n'aura pas lieu. Bon sang, mais que fait-il? On avait dit au lever du soleil. Ah, tu as bien confiance en lui. Nous sommes liés par un serment. Je ne peux pas imaginer que... Ah, le voilà. Allons, Faleiro, dépêche-toi. Nous partons. Je suis venu vous dire que je ne viendrai pas avec vous. Pardon? Je n'aime pas du tout le tour que prennent les choses. Tu dois choisir, Fernao. C'est lui ou moi? Mais de quoi tu parles? Aranda est de notre côté. Nous ne pouvons pas faire le projet sans lui, je t'assure. Il n'est là que pour le profit. Il se fiche complètement de notre grande idée. Et pourtant, c'est le seul à croire en nous. Il n'y a pas d'autre moyen, Faleiro. Mon ami, je t'en conjure. Que lui as-tu dit exactement pour le convaincre? Nous avions prêté serment, tu t'en souviens? Je ne fais pas confiance aux financiers. Tu verras qu'il mettra tout en œuvre pour se tailler la part du lion et récupérer tous les trésors que nous rapporterons des Moluques. Calme-toi. Mes amis, il faut partir. Le roi n'attend pas. Je ne partirai pas tant que nous ne serons pas d'accord sur la répartition des gains. Combien réclamez-vous, monseigneur? La moitié? Le tiers? Pour mes services et les finances que j'engagerai dans les frais de la préparation, je demande 1/8 des profits du voyage. 1/8? C'est très généreux de votre part, Aranda. Faleiro, ça te convient? Bon, pouvons-nous partir à présent? Pas sans mon globe terrestre, je l'ai laissé à l'auberge. Je reviens. Avant de pouvoir présenter son projet au roi, Magellan doit gagner à sa cause le conseil de la couronne. Il frémit quand il apprend que dans ce conseil de sages siège le cardinal Fonseca, celui qui fut le principal opposant à Christophe Colomb. Mais Magellan est déterminé. Face au vieux sage, il présente avec conviction son projet et impressionne par sa connaissance encyclopédique de la navigation. Cet homme est effectivement allé plus loin en Orient que n'importe quel navigateur avant lui. Magellan explique au conseil que passer par la route de l'Ouest constituerait un raccourci phénoménal. Or, il sait qu'il y a un passage, et il s'engage à mettre ce secret au service de la couronne espagnole. Faleiro, ensuite, prouve, à l'aide de ses cartes et de son globe terrestre, que les Moluques se trouvent dans la zone de souveraineté espagnole. Le conseil de la couronne, qui ne demande qu'à croire le cartographe, donne son accord à l'unanimité. Pour Magellan, la partie est gagnée. Le jeune roi Carlos Ier, futur Charles Quint, signe avec enthousiasme un contrat très favorable au navigateur, l'assurant de son soutien total et inconditionnel. De retour à Séville, Magellan retrouve Aranda et Faleiro chez les Barbossa. Tu me montres la signature du roi? Mais attends, laisse-le lire le contrat. Bon, alors... Joli. Étant donné que vous, Fernando de Magallanes, chevalier natif du Portugal, et Rui Faleiro, bachelier, également natif de ce royaume, vous proposez de nous rendre un grand service dans les limites de la zone de l'océan qui nous a été attribuée, nous ordonnons que l'accord suivant soit conclu avec vous dans ce but. Alors, le reste est fastidieux, mais en gros, Sa Majesté nous accorde l'exclusivité sur cette route pendant 10 ans. 10 ans! Et pour les îles, dis-le à Béatrice. Ouais, tu as raison. Carlos nous accorde 2 îles, si l'on en découvre plus de 6, et 1/20 de tous les revenus qui seront tirés des territoires que nous découvrirons. C'est fantastique! Et attendez, le roi a aussi transmis l'ordre à tous les fonctionnaires du pays de nous accorder l'aide dont nous pourrions avoir besoin. Le royaume d'Espagne tout entier est à compter d'aujourd'hui mis au service de 2 émigrés portugais, messieurs dames! Magellan est devenu en quelques mois capitaine général d'une flotte de 5 navires et maître absolu d'une armada espagnole. Mais monter une expédition pour un tour du monde n'est pas chose aisée. Le navigateur prend toutes les responsabilités à sa charge. Il discute avec les fournisseurs, les marchands, les ouvriers et contrôle lui-même les factures, les marchandises, les cordages et les armes. Sans compter son plus grand souci, l'approvisionnement, pour un voyage dont il ignore complètement la durée. Fromage 984, porc salé 5700 livres, sardines 200 tonneaux, ail et oignons 450 cordons, miel 1500 livres, biscuits du marin 21 300 livres pour 400 000 maravédis. C'est bon. Il faut que je pense au vin de Rérès, le meilleur pour le moral des marins. 2 rations par jour, c'est comme ça qu'on tient un équipage. Il manque encore le poisson, les armes et les matelots eux-mêmes. Le plus compliqué. Je n'ai pour l'instant que des mendiants et des ivrognes, prêts à vendre leur âme au diable pour une prime. Des faleiros qui passent son temps à boire sur le port et qui ne mettent pas, sans parler de ces capitaines espagnols qu'on m'a mis dans les pattes. Ce Cartagena avec son mépris et son ambition démesurée. Allons, je tiendrai bon. Plus que quelques semaines avant le départ. Mais que se passe-t-il ? Magellan doit aussi essuyer les attaques de tous ceux qui veulent l'empêcher de partir. À commencer par son vieil ennemi, le roi Manuel, qui a confié à Sébastien Alvarez, consul du Portugal à Séville, le soin de saboter l'expédition. Alvarez, qui n'a pas son pareil pour fomenter des révoltes, fait alors vibrer la corde patriotique de tous ceux qui traînent sur le port. Il profite de ce que le Trinidad, navire amiral de Magellan, arbore le pavillon portugais pour attiser la haine. Fernand, viens vite, je viens d'être prévenu. Diego, que se passe-t-il ? Pourquoi ces ivrognes ont-ils envahi le pont de la Trinidad ? Ils ont vu ton pavillon personnel et l'ont pris pour le drapeau du Portugal. Ils sont menés par Alvarez. N'y va pas, je t'en conjure. Fernand, tu vas te faire tuer ! Hors de question de les laisser aller au-delà du pont. Ils bousilleraient des mois entiers de préparation. Écoutez-moi ! Écoutez-moi tous ! Le pavillon espagnol est en train d'être repeint à neuf. C'est pour cette raison qu'il n'est pas hissé aujourd'hui. Nous vous prions d'évacuer le pont immédiatement. Fernão de Magalhães. C'est moi. Police du port. Vous êtes en état d'arrestation pour outrage à l'Espagne. Saisissez-le. Hors de question de toucher à un cheveu de mon gendre. Vous entendez ? Je n'ai peut-être plus 40 ans, mais mon épée a conservé tout son tranchant. Croyez-moi. Magellan. Conseil de rentrer chez vous maintenant, si vous ne voulez pas finir au fer. Alvarez, nous savons c'est toi qui es à l'origine de tout ça. Magellan n'a jamais voulu offenser sa majesté, et tu le sais. Maintenant, écarte-toi. Assez, assez. J'accepte de quitter le navire. Disposez à votre guise du bien royal. Mais j'écris dès aujourd'hui au roi pour l'informer des agissements de la police du port. Diego, rengaine ton épée. Et suis-moi. Magellan écrit immédiatement au roi pour l'informer de sa mésaventure. Sans hésiter, Charles Quint prend le parti de son amiral et punit sévèrement les officiers du port. Alvarez a échoué. Pour cette fois. Magellan doit faire face chaque jour à de nouvelles difficultés, retard de livraison et soucis financiers. Et les navires qu'on lui a donnés sont vétustes. Nous ne serons jamais prêts pour le départ. Je vais devoir intensifier les heures de travail des ouvriers. Ils sont déjà à l'œuvre jour et nuit et il me manque encore des hommes. Regardez-moi ce port. Des Basques, des Français, des Chypriotes, des Anglais, tous des mercenaires et aucun ne parle la même langue. Si seulement on me laissait embaucher plus de Portugais, ce sont les seuls qui me respectent. Mais je n'ai droit qu'à 20 compatriotes, 20 matelots sur 250. Ma pauvre Béatrice, je t'ai tellement délaissée ces derniers temps. Toi, et le petit aventurier que tu vas bientôt mettre au monde. Le sang des Barbosa et celui des Magellan. Quel navigateur ce sera. Mon Dieu, j'ai tellement peur qu'il naisse après mon départ. Si je ne revenais pas. Grâce à sa vigilance et sa ténacité, Magellan a raison de tous les obstacles. Les complots d'Alvarez avortent les uns après les autres. Et les cinq navires, remis à neuf, presque entièrement affrétés et montés, attendent maintenant l'ordre de départ. Mais Alvarez n'a pas dit son dernier mot. Fernão, tu oublies la carte que père t'a offerte. Tu peux la poser dans la deuxième caisse à droite. Qui est-ce ? Le consul Alvarez de Portugal, envoyé par notre roi, Manuel de Portugal. Ouvrez-moi, Fernão, je viens en paix. Va dans la chambre. Ne lui ouvre pas, je t'en prie. Je ne veux pas que cette ordure entre ici. Ne t'inquiète pas. Va. Entre. Je ne vais pas m'attarder, je viens vous prévenir. Vous m'avez déjà prévenu de beaucoup de choses, Alvarez. La route est trop dangereuse, je ferai mieux de retourner au Portugal, etc., etc. Je sais déjà tout ce que vous allez me dire. Ni Manuel, ni vous, ni personne ne pourra m'empêcher d'appareiller. Vous entendez ? J'entends, j'entends. Mais j'ai des informations que vous ignorez. Permettez-moi de vous donner un conseil d'ami. Foutez-vous. Ne vous fiez pas trop au cardinal Fonseca, ni même à la cour d'Espagne. Ils auraient confié une mission secrète à vos capitaines espagnols. Ils vous utilisent, Fernão. Ils jouent un double jeu. Une fois au large, ils s'uniront pour vous trahir. Je vous prie de sortir de chez moi, monseigneur. Non, ne tirez pas sur le messager, je ne fais que vous donner une information. Vous en faites ce que vous voulez. Sortez. À bientôt, je serai là pour vous voir partir. Grand bien vous fasse. Alvarez a tapé juste. La menace d'une conjuration ne le quitte plus. Magellan est décidé à devenir seul maître à bord. Il est temps maintenant de se débarrasser de son plus grand obstacle, Ruy Faleiro. Depuis combien de temps ne t'es-tu pas posé à une bonne table, Fernão, avec un bon vin face à cette vue admirable? Ça fait 1 an et 5 mois, depuis que le roi nous a remis notre contrat. Ça fait du bien de nous retrouver tous les deux, comme au bon vieux temps. Si je suis là, ce n'est pas pour boire avec toi, Faleiro. Ah non? Et pourquoi donc es-tu là? Pour me tirer les cartes? Tu pars pas avec nous. Nous t'avons relevé de ton commandement. Tu plaisantes, j'espère. Est-ce Aranda qui t'a convaincu de mes 27 Ça n'a rien à voir avec Aranda. T'as rien fichu pendant toute la préparation. Tu m'as laissé me battre seul contre tous. Pire, tu as failli compromettre tout le voyage par ton orgueil, tes enfantillages. J'en ai assez. Tu resteras au port, je l'ai décidé. Sais-tu ce que j'ai lu dans mes étoiles la nuit dernière? Qu'il fallait que tu deviennes amiral à ma place? Que j'allais mourir lors de la traversée. Admettons que je te sauve la vie, alors. Tu m'excuseras de pas trinquer avec toi. Faut que j'aille vérifier une dernière fois les ajustements des cales sur la Trinidad. Le 10 août 1519, Magellan se rend à Santa Maria della Victoria, où il s'agenouille pour prêter serment de fidélité à l'Église. Derrière lui sont agenouillés ses 250 matelots. L'heure du départ a sonné. C'est en grande pompe que le San Antonio, le Concepcion, le Victoria et le Santiago quittent un par un la rade de Séville. Le Trinidad, navire amiral de Magellan, partira en dernier avant de prendre la tête de l'extraordinaire expédition. Magellan est familier des flots déchaînés, du manque de provisions, des maladies et de la pénurie. Il a connu les guerres avec les indigènes, mais il ignore encore la sédition. Il la redoute encore plus que la peste. Fernão. Ma Béatrice, ma femme adorée. Nous avions dit pas de revoir. Je ne suis pas aussi forte que toi. Pourtant, tu m'avais prévenu. Nous nous reverrons, je te le promets. Dans cette vie ou dans l'autre. Pars, courant d'air. Trouve le détroit. Atteins les îles et réalise ton rêve. Adieu, Diego. Prends soin de toi, mon fils. Ne pas se retourner. Je ne dois pas pleurer devant l'équipage. Eux aussi quittent des pères, des femmes, des enfants. Ma nouvelle famille, ce sont eux. Et je suis leur père à tous. Je ne dois jamais l'oublier. Que Dieu nous prête vie. Hissez les voiles ! Le serment de Magellan de Sarah Farkas avec Magellan, Christophe Brault, Béatrice, Élodie Collin, Alvarez, Aymeric Le Cerf, Faleiro, Aurélien Ozinski, Diego, Philippe Duclos, Aranda, Philippe Lofredo, le policier Yann Sundberg, le tavernier Christophe Lobion et les voix de Bertrand de Rofignac et Thibaut Radvani. Prise de son montage et mixage, Antoine Vieussa, Victoria Aspert et Jean-Richard Dufour. Bruitage, Bertrand Amiel. Assistant à la réalisation, Pablo Valero. Réalisation, Baptiste Guiton. Dans quelques minutes, nous retrouverons mon invité Michel Chandaigne pour parler à nouveau de Magellan. The city hit my eyes on the plane looking at pusher. Weigh what you want becomes a magnet. Opposing poles never meet. Can you combine a friend and mother? Can you blend a dad and brother? Must we have to pick one or the other? Will we know this or always wonder? Always wonder. You can tell what you've done to me to be seen. Jack White, City Lights sur France Inter. Dans Autant n'emporte l'histoire, une émission réalisée par Michel Biou, assistée de Christiane Alain Favre. Programmation musicale Djoubaka, à la technique Nicolas Slimani. Alors Michel Chandaigne, nous avons donc quitté Magellan et sa flotte, quittant l'Espagne le 20 septembre 1519 pour un long voyage sur les océans. Alors pour la postérité, Magellan est l'homme du premier tour du monde, mais ce qu'on oublie, c'est que ce n'est pas lui qui a fait ce tour du monde. Il est mort en route, et de manière générale, l'expédition s'est plutôt assez mal passé et a bien failli à plusieurs reprises échouer. D'ailleurs, on le sent bien, on l'a entendu, avant même le départ, l'atmosphère dans la flotte n'était pas bonne. Oui, le départ est difficile. Hein. Juste avant, Faleiro est évincé. On lui nomme comme personne conjointe, hein, comme vice-capitaine général Juan de Cartagena, qui est un personnage important. D'après les textes, c'est assez clair que les Espagnols vont l'évincer à la première occasion pour mettre Juan de Cartagena à la place. De Magellan. Oui, à la place de Magellan, oui. Mmh. Et il y a une mutinerie d'ailleurs qui est Cartagena et ses hommes. Cartagena d'ailleurs se retrouve très vite au fer dès la traversée de l'Atlantique parce qu'il refuse de se soumettre à Magellan. Magellan le met au fer, il est au fer quand ils font escale au Brésil et c'est après plus bas sur la côte argentine dans le port de Saint-Julien que la mutinerie va éclater. Magellan vainc cette mutinerie avec beaucoup d'intelligence et le soutien d'une partie de son équipage et Juan de Cartagena va être abandonné sur la côte argentine. Puis après, il y a un navire qui fait naufrage et pendant la traversée du détroit, il y a un navire qui déserte et qui emporte 55 personnes à bord. Qui retourne à Séville, qui ne veulent pas continuer. 121. La traversée du Pacifique se fait, de manière plutôt d'ailleurs correcte, on en parlera. Oui, parce qu'on dit toujours qu'ils ont attrapé le scorbut, mais en fait, vous avez découvert que quand ils étaient dans le sud de l'Amérique, donc l'Amérique du Sud, ils ont trouvé une plante merveilleuse qui leur a permis de vitamine C. C'est une des beautés du voyage. On dit toujours que la traversée du Pacifique a été une hécatombe. Eh bien non, il y a eu 166 personnes qui s'élancent dans le Pacifique, il n'y aura que 9 morts, ce qui est très très peu, ce qui fait la traversée la moins mortifère de toute l'histoire de la traversée du Pacifique. Et comment l'expliquer ? Justement par la désertion du troisième navire. Le San Antonio déserte, et donc le restant de la flotte, les trois autres, l'attendent au milieu du détroit pendant 15 jours, parce qu'ils ne savent pas s'il a déserté, s'il continue à explorer, il y a une incertitude. Pendant ce temps-là, l'équipage est désœuvré, et dans les textes, dans les sources, on a trouvé qu'il mange une plante, et c'est tout simplement du céleri austral, une espèce très courante là-bas, très riche en vitamine C. Et il y a un petit texte pas connu qui dit qu'ils en font des conserves. Les conserves à l'époque, c'est les mettre dans du vinaigre. et le vinaigre préserve la vitamine C. Et c'est sans doute grâce à cette désertion qui se gorge de vitamine C. Bien sûr, pendant les 3 mois de traversée, ils vont attraper toutes sortes de maladies. Puis il y en a sans doute qui n'aimaient pas le céleri. Mais il y aura très très très peu de morts. 9, c'est tout. Et non pas 19, mais même 19, ça aurait été très peu. Magellan va mourir au cours de ce voyage. Il n'y aura qu'un seul navire à revenir à Séville. La Victoria. Oui. C'est le fameux bateau qui fait le tour du monde, voilà. Qui arrivera à Séville en 1522, c'est 22, ça? 22, oui, quasiment 3 ans plus tard. Si l'on doit faire un bilan de l'expédition de Magellan, quel serait-il, Michel Chandel, selon vous? Bilan humain, bilan commercial, bilan humain, il y a eu 238 personnes qui partent de Séville, il y en a qui montent aux Canaries, qui descendent, ils sont 240 après les Canaries, il y en a un qui monte à Rio. Bon, sur les 241, il y en a 35, en effet, qui vont faire le tour du monde. Les 18 qui reviennent tout de suite avec la Victoria. Mais là, on oublie souvent qu'il y a eu 12 qui étaient prisonniers au Cap-Vert. Et donc, ils vont arriver quelques semaines plus tard. Donc, ça fait 30 qui reviennent avec la Victoria. Plus 5 qui se trouvaient sur l'autre bateau, qui ont été arrêtés et qui vont parvenir 4 ans plus tard. Donc, il y a 35 survivants, plus les 55 qui ont déserté. Ah bah oui, donc ça fait quand même 90 survivants, ouais. Mais 151 morts et disparus. C'est quand même beaucoup. Et mais, bilan commercial, alors, bilan, les épices, les fameuses alors, épices des Moluques. Les épices, c'est un échec, girofle. Parce que, en effet, Magellan meurt aux Philippines, hein, qu'il découvre. Ça fait partie du bon bilan, ça. Magellan découvre le détroit de Magellan, découvre qu'il y a un passage. C'est-à-dire, à l'époque, on savait très bien que la Terre était ronde. Il ne fait pas ce voyage pour prouver qu'elle est ronde, mais il prouve qu'elle est circumnavigable, et ça, c'est pas pareil. Ça change tout. Et puis, il découvre les Philippines. Il meurt dans des conditions mystérieuses, mais qui sont intéressantes. Quand on a le journal d'Albo, d'un des pilotes, et qui montre que quand ils arrivent aux Philippines, ils savent, au fond, qu'ils ont déjà pénétré dans la partie portugaise du monde. Donc Magellan sait qu'il a échoué. Il voulait prouver que les Moluques étaient dans la partie espagnole et revenir par la même voie. Il n'était pas question de tour du monde. Et il va mourir dans une escarmouche, à un contresens. Ça ressemble presque à un acte manqué d'un homme qui est désespéré, puisqu'il est traître dans sa patrie, il peut pas y retourner. Hein. Le roi Don Manuel a envoyé une flotte pour le détruire, et il a échoué, il l'a fait déporter Juan de Cartagena, il peut pas revenir en Espagne. C'est fou, il a une image finalement pas de héros, qu'il soit en Espagne ou pour au Portugal. Pour le Portugais, c'est un traître, et pour un Espagnol, c'est quelqu'un qui a fourvoyé les Espagnols dans cette aventure insensée. Et aujourd'hui encore. Et commercialement, ça a été un semi-échec, parce qu'on dit souvent que les épices revenues sur la Victoria ont payé les prix, le prix du voyage. Si on regarde les chiffres, oui, ils ont payé l'armement, mais c'est tout. Ils n'ont pas payé les soldes des marins. Donc le voyage est déficitaire aux 2/3. Donc c'est un échec. Et la conséquence, ça va être une discussion très longue entre les Portugais et les Espagnols pour savoir à qui appartiennent les Moluques. Et c'est la réunion de Barbarossa en 1524, où finalement Charles Quint abandonne les Moluques aux Portugais contre 350 000 ducats. Il a besoin d'argent très vite, il est en guerre un peu dans toute l'Europe. Mais il y a une clause qui dit que si jamais les Moluques se trouvent bien dans la partie portugaise, cette somme sera reversée. Bien sûr, ça n'a jamais été le cas. Et aujourd'hui, Magellan est-il un héros en Espagne ou au Portugal? Bon, en Espagne, il a une statue sur une petite place, loin du centre, une statue offerte par le Chili. C'est un héros maudit. C'est quelqu'un, à l'époque, dont on parlait très peu. C'est vraiment au 19e que des écrivains chiliens ont revivifié le mythe de Magellan, puis Stéphane Zweig. Et c'est un héros qui a très peu intéressé les historiens. Il y a très peu d'études sur Magellan, et beaucoup, beaucoup sur Colomb, les héros positifs de l'histoire, ceux qui servait l'histoire nationale. Bah, c'est ce qui fait que des équipes comme la nôtre ont pu faire ce livre, qui était un peu curieusement délaissé par les historiens. Mais là, il y a des raisons historiques, comme je vous dis. Merci beaucoup, Michel Chandaigne. Donc, je signale, pour ceux qui veulent en savoir plus, ce livre dont vous venez de parler, Le Voyage de Magellan, qui est donc l'intégrale des sources directes, qui est édité chez Chandaigne. Et votre dernier livre, très précieux aussi, Les idées reçues sur les grandes découvertes 15e, 17e siècle, paru en 2015 au Cavalier Bleu, et bien sûr, la biographie avec Jean-Paul Duviols, oui. Et alors, bien sûr aussi la biographie par Stéphane Zweig. Autant n'importe l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Cette émission en nouvelle diffusion, vous pouvez l'écouter dans sa version intégrale sur notre site franceinter.fr ou bien sûr en podcast. Et comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus sur le site ou sur la page Facebook de l'émission. La semaine prochaine, nous partirons dans un autre grand voyage à la voile, cette fois-ci en 1907, dans le Pacifique, avec l'écrivain Jack London et sa compagne Charmian Kittredge. Jack London, surhomme fragile, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.